Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale, semaine du 17 janvier 2011 et une émission très remplie comme à l'habitude. J'ai François G. Couillard juste en avant de moi à la console. Salut Vincent Langlois. Salut François et on a également Guillaume Forain qui est avec nous. Salut Vincent. Guillaume qui se relève de tous ces maux qu'on a en hiver, vraiment. Une mauvaise grippe, Oui, et il parle plus du nez, c'est parfait. La voix est de retour, tous un peu, mais la voix est là. Mais c'est excellent pour la radio, la voix de Guillaume, toujours appréciée. Et nous avons également Michael Michaud qui est avec nous. Salut les gars! Michael qui a vécu, il y a deux semaines de ça, une petite aventure. En fin de compte, c'est pas la première fois qu'il vivait, il nous en avait parlé un peu. C'était la petite aventure parlementaire, peut-être qu'il pourra nous revenir là-dessus un petit peu dans quelques instants. Mais Guillaume, toi de ton côté, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais parler du jeu de rôle de Dark Heresy, qui est sorti en 2010. En 2009. En 2009. Donc, le jeu de rôle de Warhammer 40 000, des Inquisiteurs de l'Inquisition. Excellent. Et Michael, de ton côté? Ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu sur PlayStation 3 et aussi sur Xbox 360 qui s'appelle Way of the Samurai 3. Et on va aller à Montréal, François, également. On va rejoindre Gabriel Tremblay-Gaudette du laboratoire NT2 qui va nous parler de jeux herméneutiques. Oui, c'est vrai. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Plein de questions à poser à Gabriel sur ça. Et on va faire un peu d'actualité au cours de l'émission. Ce qui fait, comme on le disait tout à l'heure, une émission trop remplie, trop bien remplie. C'est comme ça, à la puissance maximale. Toujours plein de sujets à traiter. Et on débute en musique, François. On va écouter une pièce de Xavier Caféine. La pièce s'appelle « Pékin Love ». Parce que nous autres aussi, on aime ça, le Japon. Pékin, c'est en Chine, ça. Hein? Ouais, effectivement, c'est ça ce que j'allais te dire. Puis, vous écoutez « Puissance maximale ». Jésus-Christ, ramenez-nous Et nous sommes de retour avec Xavier Caféine qui a été coupé rapidement, mais c'est pas grave parce que c'était comme ça sur notre bande sonore. On s'excuse auprès de Monsieur Caféine. Sa chanson « Pékin Love » était quand même excellente, pas de problème. Et on y va tout de suite avec Guillaume qui va nous parler de Dark Heresy, qui est un jeu de plateau. C'est un jeu de rôle, comme Donjon Dragon, oui, c'est White Wolf, vraiment un jeu de rôle. On s'assied avec des amis autour de la table, on compte une histoire et on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire et les joueurs réagissent à l'histoire. Première des choses, Dark Heresy, ça est fait par la compagnie... Au fait, ça a été repris par la compagnie Fantasy Flight Games parce que Game Workshop a décidé de laisser aller la licence de base à la compagnie d'origine que j'ai oublié le nom. Ils ont décidé, on va mettre ça de côté, on va se reconcentrer sur les figurines. Et finalement, Fantasy Flight Games a dit, ben regarde, nous autres, on va leur prendre et on va faire de quoi avec. Et effectivement, ils ont repris le drapeau pour continuer Dark Heresy, ainsi que Rogue Traders, qui est le même système de jeu, mais au lieu de jouer des gens reliés avec l'Inquisition, on joue des marchands ou pirates de l'espace qui veulent juste gagner du gain et... Dans le fond, comme la majorité des gens dans la vie veulent juste avoir de l'argent. Comme la vraie vie, ouais. Comme la vraie vie, donc comme des vrais gens à Wall Street, là, ils veulent juste de l'argent puis avoir le plus d'argent, puis c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, Dark Heresy, c'est le système ressemble à une base sur le vieux système de Warhammer Fantasy de dans le temps qu'on jouait, que j'ai joué il y a 20 ans de ça, il y a très très longtemps. C'est la version médiévale là, de Fantasy. C'est ça. Donc Warhammer Fantasy étant la version médiévale, Dark Heresy étant la version futuriste de l'espace. Donc un même système de base. Donc des joueurs qui ont déjà joué dans l'ancien système vont se retrouver assez rapidement dans le nouveau. Première des choses qui est quand même assez différent, les vieux système de Warhammer, de jeux de rôle, on roulait tout au hasard. Donc, on roulait c'est quoi notre classe, on roulait c'est quoi nos affaires. Tandis que maintenant, on peut rouler si on veut. Si on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, il y a des tables, on peut rouler au hasard. Bon, mais finalement, je vais me faire genre un garde impérial qui vient d'une planète impériale. Bon, quoi de plus simple. Ou on peut aller choisir pour peut-être plus personnaliser notre personnage, qui est tant qu'à moi un bon point, parce que trop de hasard dans ces choses-là. Quelqu'un qui pogne des moins bons choix, aime pas son personnage, ben il va se faire tuer vite pour en faire un nouveau jusqu'à temps qu'il pogne le personnage qu'il veut. Il embarquera pas nécessairement dans l'histoire s'il y a un personnage qu'il aime pas. C'est ça. C'est-tu un système de carrière comme dans Warhammer Fantasy? C'est le même principe. Donc, tout dépendant de quelle classe qu'on joue, entre autres, on peut jouer il y a l'assassin qui est dans le fond un genre de guerrier, mais avec des habilités plus de subtiles, de discrétion. Il y a le guardsman que lui, c'est plus le guerrier standard, qu'entre autres, qui peut conduire des véhicules, donc qui est plus axé sur ce côté-là. Il y a le tech priest, donc celui qui s'occupe des machines et qui les maintient, parce que là-dedans, on ne construit pas vraiment rien de nouveau. La technologie, c'est quelque chose que c'est de l'acquis, ça fonctionne comme ça. Faut pas poser de questions pourquoi ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça, on paye sur play, ça marche, ouais. C'est fini, ça finit là. Il y a une religion autour des machines. Là, c'est... Oui, il y a une religion autour des machines. On pourrait partir pendant 10-15 minutes juste sur ce sujet-là. C'est pas pour rien que ça s'appelle un tech priest. Un tech priest, effectivement. Donc, il y a quand même toute une histoire alentour de ça. Donc, il y a vraiment plusieurs classes. Je me trompe pas, il y en a 6 ou 7 classes de base. Et après ça, il y a comme des carrières. Donc, à fur et à mesure qu'on accumule des points d'expérience, on achète des nouvelles habilités. Quand on a assez de points d'expérience d'utiliser, on débloque un nouveau niveau. Et rendu au cinquième ou sixième niveau, mais là, notre classe se sépare en 2 ou 3 branches pour se respécialiser plus loin. Donc, chaque personnage peut quand même être assez différent en partant. Oui, c'est sûr que la première partie, les personnages, si on fait 2 guardsmen, on peut être assez semblables. Mais plus ça va avancer, plus qu'on peut se spécialiser chacun de notre côté. Donc, on devient quand même assez différent. Là, tu parles de niveau. Tu es en train de me dire qu'ils ont adopté un système de niveau? Non, c'est pas un système de niveau. Okay. C'est plus un système de niveau de carrière. Un petit peu comme dans l'ancien Warhammer Fantasy, où est-ce que quand on avait fini une carrière, ben là, on achetait une nouvelle carrière, tout dépendant de notre carrière précédente, on débloquait d'autres carrières. Les carrières de base puis les carrières avancées, là. C'est un petit peu le même principe. Okay. Donc, exemple, dans ce cas-ci, on commence Guardsmen. Après 5 niveaux de Guardsmen, donc 5 rangs différents, là, on va pouvoir se séparer dans... Okay. Des branches différentes. C'est bon. Donc, ça me rassure, là, parce que j'ai peur. C'est pas parce que les niveaux, on se rappelle, le système de D20, c'est le système de Donjon Dragon, c'est les niveaux. Tout d'un coup, je marche dans la rue, whoop, tout d'un coup, je gagne 20 points de vie tout seul. Comment expliquer cela? On ne sait pas. T'sais. C'est pas grave. Un bon maître de jeu pour l'expliquer. Ouais, c'est ça. C'est très, très facile. Il faut juste avoir des joueurs qui embarquent aussi. Ça ne fait pas trop pire. Mais donc, système de carrière quand même intéressante. Première des choses, comme dans l'ancien Fantasy, les combats peuvent être assez mortels. Peut-être un petit peu moins qu'avant. Mais se promener sans armure dans plein milieu d'une fusillade, c'est pas une bonne idée. Le personnage durera pas. Deux, trois coups, si on est chanceux, c'est fini. Puis deux coups, si ça va pas bien, c'est fini. Donc, on se promène pas d'armure dans plein milieu de nulle part. Qui oserait faire ça? Je serais légèrement surpris le nombre de joueurs. Vraiment un fanatique de jeux de rôle là, qui ose faire ça, ça va mal. Moi, je me souviens de ma première expérience de jeu de rôle, j'ai tout fait bousiller le jeu parce que je faisais des affaires justement par rapport comme ça. Puis il y avait des gens qui n'étaient pas trop heureux de ça. En tout cas. Mais un bon maître de jeu va l'expliquer. Promets-tu. Je sais pas si tu avais un bon maître de jeu à l'époque, mais promets qu'il t'a parlé par après pour te dire ben là, ça se fait pas, ça. Il s'appelait Christian Lacroix. Oh, fait que c'est un bon maître de jeu. Et oui, c'est un excellent maître de jeu, mais je pense qu'il riait même de ça. Il me riait de me voir aller. Ça, c'est une autre façon de faire ça. On laisse le joueur se mettre dans le trou puis on le regarde mourir. Oui, c'était vraiment les autres joueurs autour de la table qui me regardaient avec un sourire, avec un couteau entre les dents. Oui, ils t'ont pas aimé. Mais donc, système de combat quand même bien. C'est pas le système de combat le plus compliqué qui existe. Par contre, il fonctionne bien comme système. Ils ont utilisé un système d'action. Dans le fond, on a deux actions par rang, deux actions standards. Mm-hmm. Et chaque action détermine qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois, il y a des actions qui sont des actions pleines, donc des full action. Donc, on peut pas rien faire d'autre. Non, c'est un peu encore une fois l'influence du D20. Du D20 un peu, mais c'est quand même assez simple, là. C'est pas trop compliqué. Puis qu'est-ce qui est important? On peut pas faire deux fois la même action. Donc ça devient important. Donc on peut pas tirer deux fois, on peut pas courir deux fois. Si on veut courir, ça prend une action spécifique qui est de courir, qui est un full action à ce moment-là. Mm-hmm. Dans le combat, je me demandais, là, parce que justement, moi je suis un master de D20, puis ce que je trouve un peu plate des fois justement dans le système de combat, c'est que bon, on frappe, mais il y a, à part des points de vie, il y a pas d'incident sur les membres. Est-ce que dans il y a des critiques comme dans l'ancien système de fantasy, entre autres j'en ai vu un, c'est pour les armes qui sont rending, donc qui arrachent. Si on se fait frapper à la tête, si on a un casque, le casque arrache. Si on n'a pas de casque, là, à ce moment-là, on perd une oreille, on peut perdre des membres, on peut perdre des points d'intelligence ou autre, tout dépendant. Parce que je veux dire, dans le Divine System, c'est ce que je trouve être une grosse lacune, c'est que tu peux être arrivé à un level 20 fighter, tu t'es battu toute ta vie, mais t'es bien correct. Aucune cicatrice parce que t'avais un prêtre dans ta gang qui te guérissait toutes les 5 minutes. Mais c'est ça que j'aimais de Warhammer. C'est moins un système de héros qui sont capables de tout faire. Oui, c'est des héros, c'est des gens qui ont un potentiel, mais sont mortels. Donc, rencontrer genre des cultistes du chaos qui décident qu'ils nous tirent 2-3 grenades, probablement que ça va finir là si on fait pas attention. Donc, ça là-dessus, quand même bien fait. Une autre chose intéressante, il y a les psychers, donc les pouvoirs psychiques qui sont tirés du warp, d'où là viennent les démons les démons dans l'univers de Warhammer 40 000. À chaque fois qu'on fait un pouvoir, on a une chance que quelque chose, qu'un petit effet secondaire arrive. Effet secondaire, c'est pas trop pire. Mais quand on roule dans cette table-là, on a 25% des chances que ça soit un effet néfaste. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à un démon apparaît, nous tue ou on disparaît. Donc, les psychers qui sont quand même bien, qui sont une bonne puissance, tu peux mourir à ton premier geste, c'est salut, parti. Donc, faire attention à ceci. Si vous tenez à votre personnage, vous voulez pas qu'il meure, ben, jouez pas, restez chez vous. Ça marchera pas aussi, non. En fait, c'est qu'il faut utiliser la magie avec précaution. Les pouvoirs psychiques, c'est ça. Dans l'univers, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais ça prend de l'entraînement, des années d'endoctrination pour pouvoir bien les utiliser sans que ce soit un danger. C'est bien représenté dans le système quand même. Une autre chose intéressante dans le système, quand on est plusieurs contre un, ça dure pas longtemps le combat. Plusieurs contre un, le 1, il dure pas. À part quand c'est une grosse créature vraiment spéciale, là, si t'es un joueur et t'as 5 goons de la rue là, qui arrivent et qui veulent te tabasser encore à corps. Même des trucs assez moches, des trucs assez mauvais, là, s'ils sont plus nombreux que toi. Là, ça peut mal aller. C'est sûr que l'équipement peut te sauver quand même, là, mais à équipement égal, du 5 contre 1, ça dure pas longtemps. Les bonus que ça donne aux ceux-là qui sont en surnombre sont tellement élevés. Ça durera pas là, quand même là-dessus. Donc, un système qui va demander un petit peu plus de pensée et non du moins de genre je charge dans le tas, j'en vais tuer 8. Plus de stratégie. Plus de stratégie un petit peu de ce côté-là. Qu'est-ce qui est quand même bien, c'est juste différent comme style. Moi, personnellement, j'aime bien Donjons & Dragons, c'est un style différent. Celui-là, il apporte un autre côté là-dessus. Mm-hmm. Une petite bémol au jeu, par exemple, c'est que si on ne connaît pas l'univers de Warhammer 40 000, même avec le livre, il donne beaucoup d'informations, on est perdu. Moi-même, j'ai un bon background, j'ai un bon bagage à Warhammer 40 000. Je connais plusieurs affaires. Par contre, je suis tout le temps rendu sur Google en train de faire des recherches. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de background, il n'y a pas beaucoup de synopsis. Il y a de l'information. C'est juste que ça prendrait un livre trois fois épais comme que là pour sortir assez pour qu'un maître de jeu ne soit pas perdu. Mm-hmm. Puis là, on parle genre de sortir un livre de 600 pages juste de background pour le maître de jeu. Donc ça marche pas non plus. Le maître de jeu va venir perdu à ce moment-là. Donc, un maître de jeu qui commence dans cet univers-là va être perdu au début pour qu'essayer de l'univers. Il n'y a pas grande façon de pallier à ça à part de lire et d'aller sur les sites web de lire des romans. Malheureusement, c'est la meilleure chose à faire par rapport à ça. Donc, une petite bémol, mais un joueur qui a moindrement joué au jeu de figurines, lu des romans, des choses comme ça, va pouvoir devenir maître de jeu, puis va pouvoir dans le fond, se débrouiller assez pour aller chercher les formations qu'il a besoin, quitte à faire comme tout bon maître de jeu, d'inventer des choses sur le tas, puis les joueurs sont pas plus au courant, fait que c'est correct, ça passe. Mais c'est bon, ça. Moi, vraiment, là, très nul en ce qui concerne le jeu de rôle, là. Jeu vidéo parfait, numéro un. Comment, justement, un maître de jeu peut en venir à être un excellent maître de jeu, dans le sens qu'il va être à la fois crédible dans ce qu'il fait, mais aussi, je dirais, peut-être impartial? Parce que, veux pas, le maître de jeu, c'est lui qui contrôle l'histoire, puis il y a du monde autour de la table qui joue. À un moment donné, quand quelqu'un fait une action ou quoi que ce soit, il y a les règles de jeu à suivre, oui. Il y a les règles de jeu. Mais j'imagine qu'il y a un petit peu de décision qui est personnelle aussi. Oui, c'est sûr. Je veux dire, je sais pas pour Guillaume, là, mais moi, en tout cas, quand je master une game, quand je maître de jeu, c'est les règles qui priment, mais il y a toujours aussi mes règles à moi. Ouais, c'est la règle d'or dans le jeu de rôle, justement, selon moi, c'est de créer ses propres règles quand il y en a une qui fait pas son affaire. Mais c'est aussi, il faut pas oublier que c'est un jeu. Hein, ça reste une activité ludique. Le but, c'est de s'amuser. C'est ça, c'est que pas faire chier ses joueurs, mais quand même mettre un bon cadre. C'est en plein ça, bien se préparer. Je pense que c'est la solution. Et un dernier petit point avant qu'on finisse. Les errata, oui, il y en a. La majorité, c'est des errata mineurs. Même si on n'est pas au courant, on peut jouer quand même sans que ça cause de problème. Le seul errata qui est vraiment majeur, tant qu'à moi, c'est au niveau des psychers, donc les pouvoirs psychiques, parce que selon les règles, un psycher peut faire un pouvoir psychique dans son rang et après ça tirer une fois avec ses fusils. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ils ont sorti un errata pour mentionner que si on fait pouvoir psychique, on ne peut pas se battre pendant ce round-là. Okay. Donc, le seul errata à vraiment aller chercher. Les autres, c'est du mineur. Oui, ça corrige certaines affaires. Rien de majeur, par contre. Personnellement, sur un 10, je donnerais en ce moment un 8.5 sur 10. Par contre, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir jouer le jeu correctement. Théoriquement, je commence ma vraie campagne ce vendredi. Donc, avec un peu de chance, je vais pouvoir vous dire peut-être dans un mois, là, vraiment, là, mes impressions après avoir joué au jeu. Et je vais vous revenir avec ça. Tu peux mettre une caméra à ton jeu et on va mettre ça sur puissance maximale en live, en stream. Tout enregistrer ça puis faire jouer les meilleurs bouts. Pourquoi pas? On le fera pas, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé à l'émission et on va te revoir bientôt de l'autre côté de cette vitre pour la console. François? Donc, Dark Heresy, Warhammer 40 000, jeu de rôle. On va écouter une pièce de musique. Ça va être Bande de garage et la pièce Construction. Vous êtes à puissance maximale. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et comme à chaque mois environ, on rejoint notre ami Gabriel Tremblay-Gaudette du laboratoire NT2, chercheur au NT2. Il fait des recherches comme ça sur ce qu'il appelle les arts hypermédiatiques. Bonjour Gabriel. Salut, ça va bien? Très bien. Alors dis-moi, aujourd'hui tu viens de parler d'un sujet assez particulier, ça s'appelle des jeux herméneutiques. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, bon, c'est pas exactement les jeux herméneutiques, mais c'est un bon point de départ pour l'expliquer. Fait que je vais commencer par quelques définitions. Premièrement, herméneutique, c'est un terme qui a été utilisé dans une première fois pour décrire les études des textes sacrés, donc notamment la Bible. OK. Interpréter la Bible. Et on utilise, donc herméneutique, c'est un peu un synonyme d'interprétation, mais c'est différent dans le sens que c'est une interprétation qui vise à comprendre le message de l'œuvre. Donc, en littérature, on dit qu'on fait de l'herméneutique littéraire quand on interprète des œuvres. Mais ça dit pas grand-chose parce que quand on joue à un jeu, forcément, on l'interprète. Mm-hmm. Un jeu, c'est un système dynamique. Si je joue à un tir de première personne et que dans mon écran apparaît un paquet de pixels qui commence à me tirer dessus, il faut pas juste que je le voie, il faut que je comprenne que c'est un ennemi et qu'il faut que je le tire. Absolument. Donc, tous les jeux ont une part interprétative importante. On est devant un système dynamique. La distinction que j'aimerais apporter, c'est en fait certains jeux qui des fois sont appelés un peu à tort là, les jeux artistiques ou les jeux sérieux ou les jeux politiques. C'est des jeux où l'expérience de jeu n'est pas complète si on ne fait pas un travail d'analyse devant le jeu. Sinon, l'expérience semble un peu incomplète. Est-ce que tu as des exemples, justement? Oui, ben il y a certains jeux dont j'ai déjà parlé, comme par exemple les jeux de Jason Rohrer comme Passage. Comme le jeu présente à peu près aucun défi, que l'esthétisme n'est pas très beau et qu'il n'y a pas vraiment de but du jeu, il faut comprendre que c'est une métaphore de la vie pour que l'expérience devienne intéressante. Ou par exemple, j'ai aussi parlé de Messhoff et ses jeux complètement capotés, schizophrènes. Donc il y avait un des jeux qui est une espèce de jeu de course où c'est impossible de perdre et là il faut qu'on tue nos concurrents ou qu'on aille les battre dans le bar après. Ce jeu-là, même si on peut avoir du plaisir à y jouer, c'est quand même important de considérer que c'est une critique de la culture sportive violente ou du NASCAR à tout le moins. Absolument. Donc, le jeu est complètement est presque facultatif. Hein? Ben, c'est pas facultatif, là, mais c'est pas le but, là. Non, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est visé. Le problème, par exemple, en voulant faire une catégorie comme des jeux herméneutiques, c'est que ce serait. Insister sur ça, c'est comme dire en fait que des jeux sérieux ou qu'il y a des jeux artistiques, c'est vouloir dire ceux-là valent la peine, les autres c'est encore du divertissement trivial. Moi je pense qu'on peut faire des interprétations intéressantes dans n'importe quel jeu. On pourrait interpréter par exemple là, l'évolution des personnages féminins dans les jeux de combat, de Sonya de Mortal Kombat jusqu'aux plus récentes incarnations dans Tekken 26. Parce que je joue pas à ces jeux-là, j'ai toujours été justement, je n'interprète pas ces jeux-là, je fais du button mashing et je bats à peu près deux personnes avant de me faire démolir. Il y a quand même des jeux qui vont... Donc, Mortal Kombat, quand on y joue, on n'essaie pas d'interpréter une leçon politique de la vie. Quand on joue, on essaie d'aller péter la gueule à Shao Kahn. Mais quand on joue à des jeux de Jason Rohrer, où il y a un jeune Américain que j'ai découvert qui s'appelle Austin Breed, qui fait des jeux avec une esthétique minimaliste, qui sont très, très courts. Ça s'appelle un jeu parce qu'il y a des règles, on peut interagir avec, mais... il se passe vraiment pas grand-chose, on fait le tour du jeu en 30 secondes, mais ces jeux ont des messages très très profonds, très puissants, à mon sens. Et il a fait des jeux, entre autres, sur la foi, sur Facebook. Donc, vu que c'est un jeune, je pense qu'il y a même pas 20 ans, c'est intéressant de voir qu'un jeune va utiliser sa créativité artistique par le biais du médium du jeu vidéo pour faire ses messages artistiques. Et là, on s'entend, pendant que j'en discutais avec toi, tu me disais qu'il faut vraiment les distinguer des jeux engagés. Ben, en fait, il faut les distinguer. C'est sûr que les deux se recoupent, sauf que les jeux engagés vont généralement avoir un message politique qui est quand même assez précis. Et là, d'ailleurs, j'avais entendu Bernard Perron en discuter avec quelqu'un, il avait dit « mais des jeux politiques comme ça, des jeux engagés, c'est des jeux persuasifs ». Qui configure le jeu pour qu'on en arrive à la conclusion que le jeu veut nous montrer. Alors que les jeux que tu parles, c'est qui cherchent plus à faire réfléchir, il n'y a pas d'effet de persuader quiconque, dans le fond. Ben, il y en a toujours un certain degré, mais ce ne sont pas nécessairement des motivations politiques qui vont entrer dans la conception du jeu. Dans ce cas-là, Gabriel, est-ce qu'on pourrait dire que les jeux, là, on va les appeler herméneutiques pour l'instant, là, ce serait une facette qui rapprocherait de l'art contemporain, en quelque sorte? Oui, je pense que la plupart des exemples, en fait, que j'ai trouvés jusqu'à présent, disons, qui sont les plus évidents de ce qu'on pourrait appeler des jeux à dominante herméneutique, là, disons, il y a quelque chose qui est proche de l'art contemporain conceptuel, où c'est pas l'œuvre en soi, c'est ce qu'elle veut signifier, ce qu'elle veut dire, donc... permet de faire des choses très, très laides, mais qu'il faut quand même observer avec révérence parce que c'est de l'art et ça veut dire quelque chose. Il y a des jeux qui sont comme ça, qui sont très radicaux dans leur approche d'insister sur la portée interprétative. Mais il y a des jeux aussi, il y en a un dont malheureusement le nom m'échappe, qui est vraiment un jeu là de stratégie très complet, qui est le fun à jouer, qui pose un défi, et qui a aussi une histoire qui est quand même assez intéressante, mais qui, au bout du compte, va faire réfléchir. Donc, le but, c'est pas juste de se rendre au dernier tableau ou de comprendre l'histoire, c'est aussi de réfléchir à ce que ça veut, à ce que ça veut nous apporter comme message. Je pense qu'il va y avoir quand même des degrés de radicaux. T'sais, les jeux de Jason Rohrer, par exemple, l'aspect de plaisir ludique est inexistant, ou presque, et il y a des jeux où on va avoir du plaisir quand même, mais à la fin, une fois qu'on va être à la fin du jeu, on va y réfléchir quand même. Dis-moi, Gabriel, tu parlais tantôt de lien avec la littérature. On sait que chaque lecture est individuelle. Chaque lecture va amener une interprétation différente, donc pluralité, disons, des interprétations. Au niveau du jeu comme ça, l'interprétation, la vision de Gabriel Tremblay-Godette sur un jeu, jusqu'à quel point elle s'apparente à ce que le créateur, par exemple, voulait faire? Moi, disons que dans un autre jeu, dans le point de vue de la littérature... ma pensée sur l'interprétation, en fait, c'est que toutes les interprétations pas se valent, mais toutes les interprétations sont possibles si elles sont bien défendues et bien argumentées. Et mon interprétation est pas meilleure, peut être meilleure même que celle que l'auteur voulait faire. Donc le propos de l'artiste est intéressant de le consulter. Mais on doit pas s'en tenir à ça pour savoir qu'est-ce qu'on devrait interpréter d'un jeu. Puis là, je parle d'interprétation plus herméneutique. Mais est-ce qu'on peut voir, je sais pas, dans l'industrie présentement ou dans ce qui s'en vient dans le jeu, une tendance pour aller vers justement cette possibilité-là de la pluralité de l'interprétation du joueur? Est-ce qu'on va aller vers justement des jeux qui vont se rapprocher finalement des autres formes d'art? Je pense que le potentiel a toujours été là. Et c'est sûr que les grosses compagnies de jeux mainstream peuvent ne pas intégrer ça dans leur production de jeu sans que ça leur fasse perdre de l'argent, donc ils vont peut-être pas prendre le risque de le faire, mais considérant par exemple que un livre, même si toute lecture va être différente, le texte est quand même figé, tandis que un jeu vidéo peut proposer des récits différents, là on peut avoir des phénomènes où il y a un jeu qui va avoir une portée herméneutique, et comme il y a plusieurs récits différents qui sont accessibles selon les choix des joueurs, les interprétations différentes vont être possibles, mais vraiment là, actualisées par la mécanique du jeu. Je pense que, par exemple, Grand Theft Auto, on a des choix moraux à faire qui vont mener à des scénarios différents. Bien évidemment, si moi je joue à Grand Theft Auto comme un gangster repenti et toi tu joues comme la pire des ordures, on va pas interpréter le jeu de la même manière. Absolument. Donc, Gabriel Tremblay-Godette, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? En fait, ce dont je viens vous parler, c'est vraiment une hypothèse de travail. Donc, dans mes prochaines chroniques, je vais un peu de préciser certains points ou parler de mes nouvelles découvertes pour vraiment revenir parler de certains jeux qui m'ont vraiment frappé sur cet aspect-là. Puis, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur cette du NT2 ou même écrivez à puissance maximale. Puis, si vous avez des suggestions de jeux aussi, moi, j'en prends toujours. Excellent. Donc, Gabriel Tremblay-Godette du laboratoire NT2, toujours en train de faire des recherches comme ça. Il nous les livre et puis dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, il va nous parler dans le fond de son processus de recherche. Là. Ça va être très intéressant de voir ça. Je te remercie beaucoup, Gabriel. Bon, merci. À la prochaine. À la prochaine. Et puis, Vincent, dis-moi, je pense qu'on va aller écouter de la musique. Bon, on va aller en musique. Le temps de vous rappeler en même temps, pendant que tu nous prépares ta chanson, que Puissance Maximale, c'est pas juste une émission de radio, c'est également un site web, le www.puissancemaximale.com, et également, une page Facebook sur laquelle vous pouvez venir commenter. Il y a des nouvelles qu'on affiche de temps à autre. Et ça nous fait plaisir de vous lire à chaque semaine avec les courriels que vous nous envoyez. Puis un Twitter aussi, faut pas l'oublier. Et oui, un Twitter, vous n'avez qu'à ajouter Vincent Langlois à votre liste de tweets. Votre liste de tweets, c'est parfait parce que j'en suis un. Mais vos listes de tweets, il n'y a pas de problème. Vous m'ajoutez. Et vous aurez des nouvelles de temps à autre sur mes commentaires. Quand je teste des jeux, parfois, je mets des petits commentaires par-ci, par-là. Bien sûr, on sait que Twitter nous permet seulement d'écrire un certain nombre de caractères. Mais c'est la beauté de la chose. On va aller écouter une pièce des Vulgaires Machins. La pièce s'appelle « Je m'excuse, je t'aime ». Vous êtes à puissance maximale. Et oui, Vincent Mauger qu'on a encore entendu. Et parce un message important. Ben oui, mais il est présent en puissance maximale. Toujours intéressant d'entendre son commentaire parce que c'est vrai que le jeu, c'est spécial. Et Michael, tu vas nous en faire part également aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu moyennement connu, en fait, qui s'appelle Way of the Samurai 3. Là, tu parles d'un jeu sur disque ou un jeu téléchargeable? Sur PS3 qui est sur disque. Oh. PS3 et Xbox 360. Way of Samurai. Oui, mais en fait, c'est un jeu... En fait, il a commencé avec le 1 et le 2 sur PlayStation 2. Oui. Et à partir du 3, ils ont décidé d'envoyer ça aussi sur Xbox 360. C'est un jeu assez méconnu qui est arrivé un an après sa sortie au Japon. En fait, le contexte est un jeu historique. Vous incarnez un Ronin, qui est en fait un samouraï sans maître, qui se réveille au lendemain d'une grande bataille dans un lieu fictionnel, en fait, qui s'appelle la Amana, qui n'est pas vraiment le Japon qu'on... En fait, c'est juste pour pas dire que c'est le Japon, c'est en fait, ça. Là, parce que il y a des personnages historiques dans le jeu là qui étaient présents dans le Japon féodal. Ça se passe en fait à la période de Sengoku, qui est donc à la fin du 15e siècle, début 16e, là, dans cette période-là où on peut retrouver entre autres Miyamoto Musashi comme personnage historique. On le voit pas dans le jeu, mais c'est pour un peu situer les gens. Donc, vous êtes un Ronin qui se réveille après une bataille et Vous devez finalement vivre votre vie de samouraï d'une façon ou d'une autre. Bref, soit en vous alliant avec un des trois clans finalement qui est dans le jeu. En fait, trois forces. Il y a deux clans et il y a les villageois avec qui vous pouvez aussi vous allier pour les défendre face à des politiques du clan suzerain finalement de la place. Vous avez le clan Fujimori qui est celui qui vient de tasser son maître légitime qui vient de prendre la place au pouvoir, qui commence, qui sait qu'il y a des gens dans les terres autour qui veulent conquérir ce petit bout de terre là. Donc il commence à s'organiser, taxe lourdement les villageois, il est en train lentement de lever une armée. Vous avez un autre clan qui est le clan Uka, en fait, qui sont le restant, finalement, du clan qui a été défait, qui veulent, eux, se venger du clan Fujimori. Et vous avez, finalement, le village Takane, qui est un peu la force tranquille de cette terre-là. Ça veut dire qu'on peut jouer, dans le fond, trois fois au jeu en ayant des choses différentes? Pas mal plus que ça, en fait, parce que le jeu a environ 18 fins. Possible, hein? Wow. Possible, toutes différentes les unes des autres. Et en fait, le truc avec ce jeu-là, c'est que quand vous mourrez, à peu importe la difficulté, vous êtes mort. Fini. Le jeu est fini. Ça fait 5 minutes, une demi-heure ou 3 heures vous jouez, c'est fini. Mais vous gardez tous les acquis de votre personnage pour commencer votre nouvelle partie. Okay. Ce qui fait que c'est pour ça que vous avez 18 fins différentes. C'est que si vous avez monté un sabre, une arme, vous l'avez fait forger plusieurs fois qu'elle devienne plus forte, ben vous la perdrez pas, vous perdrez pas votre argent et ce que vous avez ramassé, parce que c'est quand même assez difficile. Et vu justement que vous pouvez mourir en 10 minutes, ben ça serait un peu chiant de tout perdre ce qu'on a accumulé. Là, on parle d'un jeu de rôle, on parle de jeu dans quel type? C'est un jeu d'aventure, de combat. C'est quand vous allez vous battre, finalement, le système est assez simple. C'est que vous avez pour le combat, finalement, vous avez différentes positions de combat selon le sabre que vous avez. Il y a au-dessus de 100 armes dans ce jeu-là. Donc, chaque arme il y a des types d'armes qui sont... Vous avez, en fait, les positions de combat. Il y a la position moyenne, donc vous avez le sabre en avant de vous. La position haute, le sabre est au-dessus. Basse, un peu en bas de la taille. De côté, vous avez à une main, vous l'avez aussi en mode dégainage. Donc, vous allez avoir votre épée au fourreau, puis le premier coup que vous allez donner, ben vous allez dégainer en frappant en même temps. Oui. Et finalement, vous avez la position ninja qui va se battre avec des épées plus courtes. Donc, ça, c'est différentes positions que vous avez selon le sabre que vous avez. Okay. Et en plus, ben là, le combat, c'est que vous avez deux touches, c'est pas compliqué. C'est soit que vous avez les coups rapides, les coups forts, qui sont différents boutons finalement, et vous avez le bloc. Et quand vous réussissez à faire un bloc rapide, disons, au bon timing, ce qui est assez difficile, les combats sont simples mais difficiles. Ça, je tiens à le dire. Quand vous bloquez au bon moment, vous pouvez, avec une réaction aussi rapide et aussi synchronisée, ben, tuer l'ennemi d'un coup. Puis, s'il y en a plusieurs, ben, si vous continuez à faire les bonnes touches en bonne synchronicité, ben, vous pouvez tuer tout le monde coup après coup comme ça. Mais moi, j'ai jamais été capable de le faire, donc... Comme qu'on voit dans le fond dans les films d'animation, ou même juste les films avec des samouraïs. Là. Oh oui, ben c'est vraiment, ça fait vraiment vieux film de samouraïs. Et là, le type de joueur là, qui veut rentrer dans le top et qui veut donner des coups partout, ça fonctionne pas parce qu'il faut vraiment jouer un peu défensif également. Là. Ben si vous jouez à Easy, ça se fait quand même assez bien. Okay. Même au début, je vous dirais, là, les premières games, c'est plus difficile parce que vous avez des armes de bon niveau qui ont peu le temps de monter justement niveau après les batailles. Parce que plus vous tuez de gens avec votre sabre, ben plus il devient meilleur. Puis quand vous mettez de l'argent dessus pour le faire reforger pour augmenter des habiletés soit à l'attaque, à la défense ou sa durabilité, parce que si vous frappez à un moment donné trop souvent, ben votre sabre va péter, puis il va falloir soit le refaire ou en acheter un autre. Ben plus vous avez des armes fortes, plus c'est facile. C'est qu'au début c'est plus difficile, mais je vous dirais qu'à Easy ça va quand même assez bien. Même anormal, moi j'ai joué un peu anormal, là, puis je me fais battre, c'est pas trop long. Là. Côté présentation du jeu, Michael, est-ce qu'on parle d'un jeu à la troisième personne? Est-ce qu'on parle d'un jeu caméra à l'épaule? Est-ce qu'on parle, par exemple, il n'y a pas de cinématique, mais comme les bons vieux japonais, il y a des images avec des bulles comme en bande dessinée? C'est quoi? En fait, c'est un troisième personne. C'est effectivement, il n'y a pas de cinématique vraiment. C'est avec des bulles, des phylactères à la bande dessinée où ça va sortir. Le visuel, c'est le gros bémol du jeu. C'est un peu graphique. Dans les derniers jeux de PS2. Là. On n'est pas vraiment dans les... On n'est pas loin d'être dans le plein potentiel de la PS3. Malheureusement, il y a le 4 qui est tout ça en développement au Japon présentement. On va espérer qu'on va avoir quelque chose de plus beau. Mais j'avertis tout de suite, c'est pas pour n'importe qui. Pour aimer ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de parlage, de diplomatie, puis les combats sont difficiles. C'est pas évident. Il y a un peu de répétition dans certaines quêtes. Mais moi, je vous le dis, ce jeu-là s'adresse à des mordus du Japon féodal et du mythe du samouraï. Parce que dans ce jeu-là, vous pouvez le faire vraiment à la lettre. Le samouraï qui va suivre les ordres de son maître sans vraiment se poser de questions. Puis vous avez aussi, vous faire le samouraï qui va aller voir les villageois, qui va essayer d'aider la population, qui va se questionner sur son rôle de samouraï, sur la voie du guerrier traditionnel. Ça, c'est intéressant pour un amateur de l'histoire, puis aussi du samouraï en tant que tel, du concept de samouraï, pour voir jusqu'où ça peut aller. Pour le joueur normal qui veut un petit jeu d'aventure, c'est peut-être pas l'idéal, mais par exemple moi étant un grand amateur de l'histoire du Japon, puis aussi de la pensée samouraï, moi j'ai adoré ça. C'est sûr que c'est un peu répétitif, ça, à un moment donné on va se battre, puis vu que les combats, comme je vous ai dit, c'est assez simple, mais faut pas vous attendre à... C'est pas si réaliste, mais au moins dans les combats, c'est ça, vous allez pas avoir des gens qui sautent 20 pieds dans les airs comme un peu dans les mangas. C'est réaliste à ce niveau-là. C'est que tu te bats pas 20 ans avec la même personne. Là, ça peut finir assez vite. Est-ce que justement, dans tout ce qui est expliqué dans le texte, dans les bulles, tout ça, est-ce qu'on a pris le soin de bâtir une histoire intéressante? Oui, c'est très intéressant, puis c'est très court, parce que comme j'ai dit, vous avez le clan qui vient d'arriver au pouvoir, mais qui se prépare déjà à un envahisseur, puis c'est annoncé, plus l'histoire avance, ça déclenche des parties de l'histoire, puis vous apprenez que Nobunaga, qui est un grand daimyo, un seigneur féodal de cette époque-là, veut envahir ce petit coin de pays-là, finalement, cette partie du Japon fictionnel. Donc, il faut se préparer rapidement. Donc, vous avez ce clan-là qui a un peu ce problème-là. Vous avez le clan Uka qui veut renverser le clan en place, donc qui fait des petites attaques, qui veut essayer de reprendre la place. Puis, vous avez les villageois qui veulent juste manger. Donc, dans toutes les trois clans, vous avez quand même des belles histoires à développer qui se développent finalement avec votre personnage. Puis ça donne une dimension très intéressante au-delà justement du sabreur qui va se promener juste pour tuer les gens sans vraiment de but, mais l'histoire est bonne. Disons que j'ai toutes les qualités là requises de ce que tu as mentionné pour jouer à ce jeu-là. Là, je suis un maniaque du Japon, je suis un maniaque de ce type de jeu-là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir joué aux deux premiers pour avoir du fun? Pas du tout. Non, c'est vraiment un truc qui est à part. C'est vraiment une histoire qui part de rien. Le point de départ, c'est ton personnage qui est un Ronin sans nom, sans appartenance, qui va commencer un peu... On prend juste le même type de jeu qu'il y a eu dans les deux premiers, puis on fait une nouvelle aventure, tout simplement. C'est en plein ça. Il y a le système qui a changé un peu sur les deux premiers, mais sinon, là, il n'y a pas besoin d'avoir joué aux deux premiers. Tu nous rappelles le titre du jeu? C'est Way of the Samurai 3, disponible sur PS3 et sur Xbox 360. C'est un peu difficile à trouver, mais si vous êtes un peu débrouillard... Ouais, moi, je l'avais trouvé à la planque ici à Québec, donc ça doit se trouver un peu partout quand même. Excellent. Ben, merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Guillaume, on y va en musique? Oui, on y allait avec une pièce sélectionnée par François. Donc, ça va être « Ça fait rire les oiseaux » de Capitaine Révolte. Au début, je pensais que c'était un autre groupe, mais non, il faut croire que c'est pas la même chanson. Donc, on va écouter ça. C'est peut-être la même. C'est peut-être la même. Puissance maximale sur les ondes de Sekaya. Ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Toujours sur les ondes de CKIA et on s'en va bientôt vers la fin de l'émission. Le temps de parler un petit peu d'actualité. Qu'est-ce qui a retenu notre attention de l'actualité de la semaine au niveau du jeu? Moi, j'ai regardé un peu de site Internet cette semaine et également aujourd'hui sur IGN.com. Eh bien, il y avait un superbe article qui disait que Steve Ballmer de Microsoft indique que la Xbox n'est pas une console de jeu. Ça, on le savait déjà. Là, alors, mais... c'est pas une console de jeu. Qu'est-ce que c'est? Un toaster? Parce qu'il brûle? Non. Mais c'est quoi son argumentaire? C'est-à-dire que... Ben lui, en fin de compte, c'est ce qu'il dit, c'est justement. C'est qu'on n'est plus seulement une console de jeu, on est vraiment un centre d'amusement, d'entertainment, comme on dit en anglais, dans le mauvais français, finalement. Et la Xbox, c'est la place pour socialiser, c'est l'endroit pour regarder la télévision maintenant, parce qu'on sait avec tout ce qu'on peut recevoir en streaming pour la télé, on en reçoit avec Netflix, par exemple, c'est possible de l'avoir sur la Xbox, mais c'est également possible de l'avoir sur la Wii et sur la PlayStation. Donc, je vois pas vraiment en quoi M. Ballmer de Microsoft dit que c'est pas seulement une console. Je m'excuse, mais la PlayStation, ben c'est pas seulement une console non plus, parce que j'ai accès à mon Facebook sur la PlayStation également. Et un Blu-ray. Et un Blu-ray, justement. Mais de toute façon, toutes les consoles, ils peuvent plus juste être des consoles de jeux. S'ils font juste ça, ils vont perdre le marché puis ils vont faire faillite. Faut qu'ils étalent leur... qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, comme le Xbox, comme la PlayStation a fait, comme la Wii a fait un peu aussi moins que les autres. Mais la prochaine version de la Wii, je suis sûr aussi qu'ils vont aller avec d'autres options que juste du jeu encore là. Non, mais quand même, la Wii, malgré tout, le fait justement qu'elle offre le Netflix comme les autres, c'est déjà ça. Peut-être que oui, elle lit pas le DVD ou elle a pas de Blu-ray, mais maintenant, les gens peuvent s'abonner justement à un système comme Netflix et avoir des films. Bon, comme c'est on le disait dans le passé, il n'y a pas vraiment des films qui sont en français présentement. Peut-être qu'il y aura une plus grande gamme de films qui seront annoncés en français. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que la Xbox, c'est assez spécial. C'est vrai que maintenant qu'on a le Kinect, bon, on n'a plus vraiment de manette dans les mains. Donc, ouais, est-ce que ça fait que c'est pas vraiment une console de jeu? Bon. Un système d'amusement, disons-le, oui, mais moi, ça reste quand même une console de jeu. Et voilà. Autant qu'un ordinateur, c'est pas juste pour jouer à des jeux, c'est pour faire tout. Ben oui, tout à et fait. Voilà. Et en nouvelle, tantôt, j'ai parlé de Dark Heresy, donc jeu de rôle de Warhammer 40 000, et au mois d'avril, le prochain codex, donc le prochain livre de règles pour une vieille faction, que je me trompe pas, a juste été refaite la dernière fois en deuxième ou troisième édition, donc on parle de plusieurs années. Les Grey Knights vont ressortir, donc une partie des Space Marines spécialisée dans la chasse et la destruction des démons. Leur codex s'en vient au mois d'avril, ça a été annoncé officiellement la semaine passée. Donc tous les vieux joueurs qui ont une vieille armée de... Grey Knight qui traîne chez eux, qui ne trouvent pas compétitif, vous allez pouvoir les ressortir, acheter des nouvelles figurines, parce que bien sûr, il va sûrement avoir des nouvelles figurines à acheter. Excellent. Et bien, il y a un chercheur de l'université de Iowa State aux États-Unis qui dit que, en fin de compte, une de ses études, lui, il l'a fait, mais elle a déjà, il y a une autre étude qui était sortie l'année passée sur le même sujet qui lie le jeu pathologique à la dépression et l'anxiété chez les enfants. Alors, lui, il a fait une recherche et il a sondé près un petit peu plus de 3000 enfants à Singapour. On s'entend qu'en Asie, des joueurs, il y en a. Et juste pour voir c'était quoi leur habitude de jeu et voir un peu combien pouvait avoir des problèmes justement pathologiques dans le jeu. On parle pas nécessairement de jeu d'argent ou quoi que ce soit, on s'entend. Là, on parle vraiment peut-être de joueurs compulsifs dans le jeu vidéo. Mais vraiment, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné des questions dans lesquelles les élèves devaient répondre oui, non ou parfois. Et bien sûr, à toutes les fois qu'il répondait parfois, lui, il considérait que c'était un oui. En fin de compte, je pense à 50% du temps, il considérait à ça. Et il s'est aperçu que 9,9% des joueurs étaient des joueurs pathologiques la première fois qu'ils prenaient le sondage, et ils répétaient le sondage par après. Et à la troisième fois, les joueurs, il y en avait 7,6 qui étaient devenus des joueurs addicts, donc qui avaient vraiment un problème de jeu. Ça diminuait de quelques pourcentages c'était pas tous les joueurs qui venaient avoir une addiction là-dessus, mais c'est quand même assez intéressant. Le jeu vidéo, par exemple, ou peu importe le jeu lié à la dépression, je sais pas trop si le lien peut se faire directement. Oui, mais théoriquement, tout peut amener à la dépression. Juste l'école peut amener à la dépression pour les jeunes. N'importe quoi peut faire ça. C'est dans le contexte, il faut faire attention. passion. Comme n'importe quoi, il faut y aller avec modération. Et ben d'accord, c'est sûr. Là, quelqu'un qui est 12 heures devant son téléviseur. Là. Mais le problème avec ce genre d'études-là et ce genre d'énoncés-là, c'est souvent le manque de nuances, la généralité. C'est sûr qu'il y a des joueurs compulsifs, c'est sûr qu'il y en a qui vont trop loin, mais encore là, tu sais, est-ce que c'est la source de dépression? On a bien beau dire qu'il y a 3000 personnes qui ont fait le sondage, mais tu sais, c'est pas 3000, c'est toujours l'échantillonnage c'est également. Hein? On prend un échantillonnage de 3000 personnes dans un endroit bien précis au lieu de le prendre un peu partout à travers la planète et on en ressort une. Ah, la joie des statistiques. Eh oui! Une autre nouvelle de Warhammer 40 000, mais ce coup-ci un petit peu différent. Au mois de décembre, est sorti un film en animation, donc CGI, qui est Ultramarines, donc qui est carrément un film tout en fait en animation sur une histoire de Space Marines qui est sorti au mois de décembre. J'ai pas encore eu la chance d'avoir la main dessus, par contre c'est disponible en DVD, on peut le commander à divers endroits, faut fouiller un peu par contre, et je vais peut-être pouvoir vous faire une chronique là-dessus la semaine prochaine si ça rentre, et je vais pouvoir vous en parler. Les critiques sont mitigées jusqu'à date, mais je vais vous donner mon impression en tant que gamer, en tant que quelqu'un qui aime l'univers de Warhammer 40 000, qu'est-ce que ça donne ce petit film-là de, je pense, c'est 1h10 environ qui dure. Ben, ça nous donne déjà un aperçu d'un sujet dont on va traiter la semaine prochaine à l'émission Puissance Maximale, avec d'autres également. Le temps de vous rappeler que c'est qu'il y a bien la situation de la station, on est toujours en crise et ça serait important que les gens de Québec se mobilisent pour la survie de cette station qui a plus de 25 ans de rayonnement dans la région de Québec. C'est qu'il y a qui était témoin et actrice au niveau de la culture, de l'actualité, les luttes populaires, qui permet à Puissance Maximale, par exemple, et à d'autres producteurs, d'autres émissions comme ça, d'avoir une onde, d'être en onde à Québec. Et c'est bien ancré dans le vieux Québec, cette station-là. Donc, on vous invite à acheter la carte de membre. Ça donne des rabais chez différents commerces, comme la librairie Pantoute, le Bal des Arts, la Barberie, l'Abraham Martin et bien d'autres. Tout est indiqué sur la carte. Comment qu'on fait pour l'acheter? Eh bien, vous pouvez le faire sur Internet par CKIA.org. Également au 600 Côte d'Abraham, dans les studios de CKIA, donc les bureaux, sur les heures de bureau. Par téléphone, vous faites le 529-9026, toujours sur les heures de bureau. Et bien, la situation est urgente et on vous remercie si vous l'avez déjà fait. Parlez-en aux gens autour de vous. CKIA a besoin de vous. On se mobilise pour la survie de la station. Et c'est la fin de l'émission. Alors, on remercie François Gécouillard qui nous a quittés. François, merci également Guillaume d'avoir pris le relève, d'avoir été là. Merci Michael d'avoir été là également. Et merci les gars. On salue Gabriel Tremblay-Godette du NT2 et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four, yeah!